dans le chassin. Un geste pour les riverains, les rives de Russes, vues des vies d'un essaim. Les seins de ma France, aux graffitis se font les indiens. Le vol, c'est du rap, c'est du rock, c'est du roll. C'est quand ça rose dans la rue, c'est quand ça brosse les pavures. Que le vol fabrique un bruit sourd, on rentre dedans.